Désormais le monde ne sera plus comme avant depuis le 11-09 et que la vie fut un coup de vent. Une balle dans le ventre ou marcher la peur au vent. Moi je m'arrêterai quand mes organes sur eBay seront en vente. Dissimulé comme de la coke dans l'estomac, le vrai fait mal et en finale on voit les gens en post-trauma. Dean Records ou la musique archéologique, écriture indépendante en Dolby Prologique. Extirper nos idées de nos ménages comme une série de clichés accrochés sur les tentes à linge. Partager mon discours avec les blancs, les amener à mon message par les voix de la provoque. Pas trop le faire pour le tremper dans l'or. Ce serait mentir de ne pas dire qu'on espère le disque d'or. D'ores et déjà bien fixé sur mon sort. Et aux abords des cités d'or, j'ai vu les conquistadors. En sursis comme les tours du Mont Gaillard, pratique la remise en question le matin face au miroir. L'enfant trouillard devient le jeune débrouillard. Les boucles blondes ont noirci comme une silhouette dans le noir. On a tous cru que le rap était plombé, mais mon équipe et moi-même on est passé au plan B. Indépendant depuis le retrait des colonies, c'est le Sénégal, les Comores, le Mali et l'Algérie. Volontairement casser la clé dans la serrure de la porte des majeurs proposant la signature. Beaucoup de gens critiqueront notre démarche, mais lorsque les chiens aboient, la caravane reste en marche. Made in Records par Made in Taïwan, venu du sud pour le nord, immigration de number one. Introspection, c'est l'intro de l'innocent. Premier morceau, deuxième album, premier sang. Made in Records par Made in Taïwan, venu du sud pour le nord, immigration de number one. Introspection, c'est le chant de l'innocent. Premier morceau, deuxième album, premier sang. C'est le premier sang, pas moi.